Si j'étais Adrien Pouliot, je viserais à finir devant le PQ. Tu sais, ça va être une lutte entre la CAQ et les libéraux, là. Ça serait très drôle si jamais ça serait la joke. Le PQ, ça serait vraiment drôle. Puis Adrien Pouliot, évidemment, il a annoncé, le chef du Parti conservateur du Québec, a annoncé hier qu'il va être candidat dans Lévis. Je pense honnêtement qu'il ambitionne pas de se faire élire le 20 octobre. Il cherche pas une maison à Lévis pour déménager comme député, là. Les libéraux versus la CAQ, c'est une lutte à deux et de loin. Mais ici, il finissait en avant du PQ. Ah oui, en avant du PQ puis de Québec solidaire, parce que là, écoute, même Québec solidaire pourrait finir en avant du PQ, là, je veux dire, si le PQ, la courbe continue de même, là, il y a plus rien qui est impossible, là. Et donc, Adrien Pouliot, ce que j'aime, puis hier, d'ailleurs, j'étais content, je lisais ça sur son blog ou sur son Facebook, je ne sais plus trop, c'est un gars qui amène des idées au débat. Il est pas là pour se faire élire puis chercher des votes puis essayer de lâcher un puis de lâcher l'autre. Mais il contribue à amener une variété dans le débat politique. Absolument. Puis hier, par exemple, sur on a parlé tantôt de la santé, il a apporté une perspective intéressante. T'sais, il a dit, c'est bien beau, là, faire des réformes, mais ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer l'argent en fonction des soins. Il faudrait que l'argent, l'enveloppe, suive le patient puis qu'on finance l'hôpital plutôt que de financer des structures bureaucratiques puis administratives. C'est une approche qu'on n'entend pas souvent au Québec qui est très intéressante. C'est la beauté des politiciens pas au pouvoir. Ils peuvent pas tout être dans le journal à écrire. Ça en prend un, une fois de temps en temps, qui fait le tour des tribunes puis qui garoche des idées puis qui amène des discussions ailleurs, t'sais. C'est ça. Fait que c'est une fontaine à idées. C'est là où les gens devraient aller se ressourcer. Puis des fois, le veut, veut pas. On voit ça comme des gens qui sont à la marge, mais c'est pas ça, là. C'est qu'à un moment donné, quand les idées d'Adrien Pouliot vont devenir de plus en plus populaires puis il y a de plus en plus de monde qui vont trouver que ça a du bon sens, ben, toutes les autres parties vont se mettre à les voler. Et en quelque part, c'est sain en démocratie que les autres parties, les deux parties volent des idées des autres. C'est comme ça qu'on avance. Et Québec solidaire fait la même chose à gauche, là, by the way. Là. Eux autres, tu sais, ils poussent l'agenda puis ils essayent de pousser ça le plus à gauche possible. Puis ils savent qu'ils ne rejoignent pas tout le monde, mais en même temps, ils réussissent de temps en temps à tirer le PQ, par exemple, de leur côté sur 3-4 politiques. Hey, Éric, on va